Je m'habille comme un escargot. Tous les matins en sortant de mon lit, je prends le métro, je vais au boulot. Aussi lourd que la porte du frigo, même pas que la réalité n'est pas définie. Je compte les heures, je compte mes pas, à tous les jours, à tous les mois. Cette semaine, j'ai vu un pigeon dans la cour glisse au pied d'un grand arbre. J'ai failli écraser le pigeon. Il ne m'a pas vu arriver quand je m'y suis promené. Promené, promené, promené, promené, promené. J'habite mon corps comme un escargot. Tous les jours et tous les après-midi, même le soir, j'ai un pyjama d'escargot. Un peu plus léger, mais pas trop. Thank you.